Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la peur du communisme au Québec. Il n'y a rien dans la province de Québec où il y a une loi pour protéger le peuple contre l'empoisonnement communiste. Il n'y a rien dans la province de Québec où il y a une loi et un gouvernement qui tient debout pour protéger la population contre la cocaïne et la morphine véreuse et désastreuse communiste. Le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, le 21 avril 1948. Le discours anticommuniste de Maurice Duplessis est bien connu. Cette haine du communisme fait même partie de la marque de fabrique de son gouvernement. Ici, la peur du communisme n'est pas proprement québécoise dans ces années, les années 40, 50. Il est vrai, comme le souligne Maurice Duplessis dans l'extrait qu'on vient d'entendre, que le Québec, son Québec, le Québec de Duplessis, fait un peu figure de champion dans cette croisade anticommuniste de l'après-Seconde Guerre mondiale. Gendarmerie royale du Canada. Monsieur Fred Rose? Oui, c'est bien moi, Fred Rose. Vous êtes en état d'arrestation. Vous allez devoir nous suivre. Mais pourquoi? C'est la loi des mesures de guerre. Cet homme que l'on vient d'arrêter s'appelle Fred Rose, député de Montréal-Cartier et premier communiste assiégé à la Chambre des communes. Son procès passera à l'histoire. Car Fred Rose, c'est la première victime de la guerre froide, terme que l'on vient à peine d'inventer. Elle commence au Canada, cette guerre, et on peut aller jusqu'à lui attribuer une date de naissance, le 5 septembre 1945. Ce soir-là, un dénommé Igor Gouzenko quitte son poste à l'ambassade soviétique, où il est affecté à déchiffrer des messages. Sous sa veste, une liasse de documents renfermant des noms de code dans bien des cas, d'informateurs. Fred Rose est l'un de ceux-là. La presse internationale s'empare tout de suite de l'affaire et accuse les espions présumés d'avoir contribué à la préparation par l'Union soviétique d'une troisième guerre mondiale. La chasse aux sorcières est ouverte et c'est ici, au Palais de justice de Montréal, que les premiers coups seront tirés. Le procès de Fred Rose, dont parle Pierre Nadeau dans cet extrait de l'émission Les Grands Procès, une émission réalisée par Marc Blanford en 1993, c'est l'un des exemples les plus parlants de ce qu'a été la guerre contre le communisme au pays dans les années de guerre froide. Mais si cet épisode du procès de Fred Rose, qui fait lui-même suite à ce qu'on a appelé l'affaire Gouzenko, relance cette chasse aux sorcières communistes chez nous, cette histoire, l'histoire de la peur du communisme, remonte à bien plus longtemps encore. Pour nous parler de cette peur du communisme qui va frapper le Québec, mais aussi une bonne partie de l'Occident, durant quelques décennies au 20e siècle. Je reçois l'historien et auteur Hugues Théoret qui vient de publier tout récemment l'ouvrage « La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec entre 1917 et 1960 ». Hugues Théoret, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Cette peur-là, Hugues Théoret, la peur du communisme au 20e siècle, évidemment, ce n'est pas propre au Québec, ça existe un peu partout au Canada anglais, aux États-Unis, en Occident. Comment ça se compare, l'anticommunisme qu'on va vivre ici, au Québec, par rapport à ce qu'on va voir ailleurs, en Amérique du Nord ou même en Europe? Oui, ça se compare très bien avec l'Europe et d'ailleurs, le point d'origine, et on pourrait dire le déclencheur est le même, c'est la Révolution russe de 1917, mais l'expression, son expression va être différente selon les pays. On prend par exemple en France, la Révolution russe de 1917 va être le point de départ, mais les références vont être aussi dans une plus longue durée. On va placer ça dans le contexte même de la Révolution française de 1789 comme une continuité. On va placer ça dans un contexte aussi plus de lutte du peuple. Voilà, de lutte de classe, tout ça, dont la peur, donc, que le peuple se soulève contre la République, contre l'autorité. En Allemagne, encore une fois, le même point de départ, 1917, mais on va beaucoup focusser sur les bolcheviks et le rôle des Juifs, prétendument, là, les Juifs qui auraient fomenté, finalement, la Révolution russe de 1917, donc très plus axé sur l'antisémitisme. Et aux États-Unis, comme on le sait, elle va s'exprimer plus tard avec le macartisme là, dans les années 50. Mais au Québec, c'est sûr que ça va s'exprimer sur une plus longue durée, mais les fondements sont différents, beaucoup plus religieux. Parce qu'évidemment, le communisme, dans cette idéologie-là, il y a cette volonté d'abattre l'expression de toutes les religions. C'est un peu ça qui ébranle l'Église catholique. Tout à fait. Parce que le communisme, il faut comprendre que le communisme, pour les catholiques surtout, est associé à l'athéisme. Ouais. Faut comprendre que pour les catholiques, le communisme, là, c'est la menace, c'est ce qui menace les assises, les bases de la religion catholique. Oui. Revenons au Québec. C'est un des États dans le monde où cette, je le disais d'entrée de jeu, où cette chasse aux communistes sera la plus virulente. On peut penser que Duplessis a été un petit peu notre McCarthy à nous, au Québec. Pourtant, au Québec comme aux États-Unis, il y aurait la menace réelle d'une montée du communisme est à peu près inexistante. Pourquoi une telle réaction dans un endroit comme le Québec, par exemple? Voilà, bon point. D'ailleurs, la peur est réelle. Donc, c'est la peur rouge. Cette peur rouge est bien répandue. Mais c'est un mouvement qui est marginal lorsqu'on pense aux effectifs du Parti communiste canadien. Mais ça s'explique par une propagande anticommuniste bien huilée, qui est dirigée par l'Église catholique et plus précisément par ce qu'on a appelé l'École sociale populaire qui a été fondée dès 1911. Donc, c'est intéressant de noter que cette propagande anticommuniste-là au Québec remonte avant la Révolution russe de 1917. Intéressant de le noter. Alors, l'Église catholique, l'École sociale populaire, avec Joseph Papin-Archambault en tête, là, ils vont finalement mettre sur pied une propagande. Quand je parle de propagande, je parle par l'écrit, notamment des revues mensuelles comme l'œuvre des Tracts, qui vont publier des articles hallucinants, là, où est-ce qu'on parle de menaces communistes. On explique dans ces articles-là que les communistes menacent de détruire les bases de la chrétienté. On associe les communistes à l'enfer, à tout ce qui est pervers. Oui. Et d'ailleurs, Duplessis va reprendre ce discours-là. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les hautes autorités religieuses catholiques au Québec, à savoir Mgr Georges Gauthier à l'archevêché de Montréal et à Québec, le cardinal Villeneuve, vont bien sûr endosser finalement ces propos-là et ils vont faire partie de cette partie prenante de cette croisade anticommuniste là, qui va dominer le Québec pendant les décennies 20, 30, 40 et 50. Puis on va y revenir à l'importance qu'aura l'Église catholique dans cette croisade anticommuniste au Québec. Revenons quand même un petit moment sur cette fameuse révolution de 1917. Vous dites qu'il y a déjà un discours anticommuniste dès 1911 ici, mais il n'empêche que, puis vous le disiez un peu plus tôt, 1917, c'est comme le vrai point de départ un peu partout dans le monde. Il y a cette révolution en Russie. Donc, c'est là où ça commence le communisme organisé et le discours anticommuniste. Parlons de ça. Comment s'est vécu ici, au pays, cette révolution de 1917 en Russie? Moi, j'ai trouvé ça très particulier dans mes recherches parce que je m'attendais à voir beaucoup, beaucoup de réactions dans les journaux canadiens-français. Bon, pas besoin de dire, les auditeurs, auditrices savent qu'à cette époque-là, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télé. Donc, les journaux occupent une place très importante là, au Québec, bien entendu, un peu partout, dans les années 10. Alors, lorsque la révolution éclate, on en parle un peu, un peu d'écho. C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Europe. Non, parce que les yeux sont tournés ailleurs. On est en plein cœur de la Première Guerre mondiale. En passant, on se souvient que ça devait durer 4 mois, puis ça a duré 4 ans. Là, ça devait finir à Noël. Alors, c'est tout le débat entourant de la conscription. On est en 1917, le gouvernement Borden qui est au pouvoir et qui veut imposer la conscription. Et au Québec, le débat est vraiment bien plus tourné vers les déchirements provoqués par la conscription avec Henri Bourassa, Le Devoir, avec, Armand Lavergne, j'oserais même dire la crise scolaire en Ontario que le règlement 17. Donc, la révolution russe, c'est loin. C'est loin, c'est loin. C'est plus des préoccupations. On a plus des préoccupations, je dirais, intérieures. Donc, cette espèce de mouvement nationaliste canadien-français qui émerge, là, sur les braises ou, dans le fond, qui est alimenté vraiment par le débat sur la conscription, surtout. Ouais. Mais une fois que la révolution russe, cela dit, est complétée, que ce modèle-là existe quelque part dans un pays du monde qui est la Russie, là, ça commence à changer parce que c'est l'après-guerre aussi. Oui. Et il y a une date importante, 1919. On parlait du mouvement ouvrier un peu plus tôt dans l'émission. C'est ça la grande menace. C'est ça qui est vu comme la grande menace de la part des pouvoirs établis en Occident. Et 1919, c'est une grève, un premier soulèvement important de la classe ouvrière au pays, la grève de Winnipeg. Là, ça commence à devenir concret. Est-ce que ça pourrait être la déclinaison du communisme dans un pays comme le nôtre? Absolument. Vous avez tout à fait raison. L'élément déclencheur, vraiment, 30 000 travailleurs qui marchent dans les rues. Oui. Et c'est pas parce que ça se passe à Winnipeg qu'il n'y a pas d'écho, de répercussions au Québec. Au contraire, il va y avoir aussi des manifestations, c'est moins connu, mais à Montréal, de travailleurs qui en ont soupé, là, de l'exploitation du patronat. Il y avait déjà eu des grèves, on le sait, auparavant, des, des grèves notoires à Québec, à Montréal, même à la fin du 19e siècle. Mais il va y avoir un effet d'entraînement. C'est ça qu'on craint, cet effet de contamination. Exactement, cet effet de contamination-là. Et tu as la grève de Winnipeg qui va coïncider aussi avec un mouvement massif de syndicalisation, hein, laïque, c'est-à-dire avec les fédérations de travailleurs aux États-Unis, tout ça. Et ça va faire craindre le pire à l'Église catholique, d'autant plus qu'en 1921, ça va être la naissance du Parti communiste canadien. Ouais. On va revenir à Maurice Duplessis, qu'on entendait au tout début de l'émission. Ce sera évidemment l'un des ténors de cette chasse aux communistes chez nous. Il prend le pouvoir pour une première fois en 1936, Duplessis, et dès 1937, Hugues Théoret, il va adopter ce qu'on appelle la loi du cadenas, une loi qui avait pour cible à peu près tous ceux qu'on qualifiait de communistes. Vous allez voir dans l'extrait qui suit, on ratissait large. On écoute justement la syndicaliste Madeleine Parent se souvenir de cette époque au micro d'Armande Saint-Jean à l'émission Première Page en 1978. Mais à ce moment-là, défendre des idées comme celles que vous donnez, qu'on défend aujourd'hui encore de toute façon, ça amenait des accusations d'être communiste. On vous a accusé, vous, d'être communiste. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? C'était sous la loi du cadenas. Et comme vous savez, la loi du cadenas de Maurice Duplessis permettait qu'on entre dans la maison de quelqu'un qui était qualifié de communiste ou là où toute la littérature communiste pouvait être trouvée. Seulement, on ne disait pas ce que c'était que le communiste. Ce qui permettait de caractériser comme étant communiste toutes sortes de littérature, tout discours, toute personne. Et on s'en servait abondamment pour attaquer ceux qui s'identifiaient avec les ouvriers lorsque les ouvriers revendiquaient. Il est rare qu'il y ait eu une grève dans toute cette époque où les travailleurs ou leurs chefs n'aient pas été traités de communistes. Si je ne l'avais pas été, j'aurais eu un peu honte, parce que quand on militait, il fallait être traité de la sorte par ceux qui protégeaient le système et qui défendaient le droit que les patrons avaient à ce moment-là d'exploiter les gens comme ils le faisaient. Beaucoup de choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre dans cet extrait, Hugues Théoret. Commençons peut-être d'abord par rappeler, par expliquer ce que prévoyait cette fameuse loi du cadenas du gouvernement Duplessis. Puis on parlera aussi un petit peu de ce que ça nous dit, cette loi-là, sur la méthode qu'utilisait Duplessis pour mener cette guerre qu'il menait aux communistes. Mais ça disait quoi, cette loi-là, en quelques mots? Bien, la loi du cadenas, c'est une priorité du gouvernement Duplessis, rapidement, qui a été élu le 17 août 1936. Et il va endosser deux chevaux de bataille, on le sait, l'autonomie provinciale et la chasse aux communistes. Et le premier geste qu'il va poser, sa priorité législative, c'est de déposer la loi protégeant la province contre la propagande communiste, finalement, qui va être adoptée. Il faut le dire, là, hein, il n'y aura pas vraiment trop d'opposition du côté libéral à Québec, le 24 mars 1937. Et ce qu'elle dit, finalement, c'est que, communément appelée la loi du cadenas, elle confère au procureur général du Québec, qui est en l'occurrence le premier ministre Duplessis lui-même, le plein pouvoir d'ordonner la fermeture d'une maison utilisée à des fins de propagande communiste. Donc, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, ça vise finalement tous les écrits, les tracts qu'on appelait à l'époque communiste, les publications, les assemblées, même dans les appartements, dans les maisons privées, donne le pouvoir aux policiers finalement d'effectuer des descentes et d'apposer un cadenas à tout établissement où il y a des communistes. Et ça montre, il y a une loi, mais vous parlez de la police, il y a des escouades qui vont être créées, il y a vraiment donc c'est trop fort d'utiliser, j'allais dire un bras armé, mais en tout cas, il y a les forces de l'ordre qui font appliquer cette loi-là. Ça montre à quel point c'est une cible et qu'il y a une détermination de la part du gouvernement Duplessis à s'attaquer à tous ceux qui gravitent de près ou de loin avec les idées communistes. Cela dit, on l'entend dans l'extrait de Madeleine Parent, à peu près tout ce qui s'oppose d'une façon ou d'une autre au pouvoir établi, politique, religieux, économique, devient communiste. La cible, elle est très large et c'est tout ce qui constitue les opposants à l'ordre établi. Tout ce qui constitue des opposants à l'ordre établi, ils visent très particulièrement, il y a une cible de prédilection, c'est l'hebdomadaire Clarté qui va être vraiment, j'oserais dire, presque une des seules publications qui va être, je dirais, pro-communiste à l'époque, là, dont les locaux étaient situés sur Sainte-Catherine. Il va être d'ailleurs l'hebdomadaire Clarté qui va être la première cible, finalement, de la loi du cadenas, des escouades anticommunistes de la police de Montréal, qui, soit dit en passant, qui ont été créées, qui ont été mises sur pied avant l'avènement de Duplessis en 1934, donc, mais qui ont été pouvoir renforcé sous Duplessis. Donc, les journaux, il y avait très peu de journaux, il faut le dire, pro-communistes à l'époque. Les journaux étaient surtout anticommunistes. Les syndicats non-catholiques, bien entendu, hein, qui font pas partie de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Les membres du Parti communiste, dont on exagérait le nombre, hein, il faut se le dire, quelques centaines à Montréal, mais bon, donc on exagérait leur nombre, c'est sûr, parce qu'on voulait faire peur aux gens. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la peur rouge. Mais il faut dire aussi les libéraux en général. Et quand on parle de libéraux, oui, c'est les gens aux idées libérales. Les gens aux idées libérales, et bien entendu, Duplessis, les gens vont associer, le nom du Parti libéral va être associé à cette... Ah, carrément le parti. Ah ça, oui, le Parti oui. libéral va être carrément associé à ça. Et on va associer aussi la couleur même du oui. Parti libéral, le rouge, au rouge de Moscou, hein, et aux communistes. Bien, ça m'amène à vous poser cette question. Dans quelle mesure cette chasse au communisme, c'est quelque chose de profondément idéologique qui s'appuie sur des convictions profondes de la part de Maurice Duplessis ou si c'est pas plutôt une question de petite politique, de stratégie politique pour éliminer ses adversaires? Ben, je vous dirais que c'est un petit peu des deux. Oui, Écoutez, Maurice Duplessis, c'est un homme, il faut le dire, là, de son époque. Hein? C'est un homme de son époque, c'est-à-dire, ça explique sa popularité, hormis la brève période où est-ce que de 39 à 44, quand il est battu par Godbout, mais c'est à cause de la conscription, c'est à ouais. cause de la guerre. Puis on pensait que Godbout allait pouvoir négocier quelque chose avec Mackenzie King pour empêcher les Canadiens français d'aller à la guerre. Mais hormis cet épisode-là, il va être réélu successivement jusqu'à sa mort en 1959. Et on ne sait pas, s'il n'était pas mort en 59, sait-on peut-être qu'il aurait été réélu. Et ça, c'est l'hypothèse. Mais c'est un homme de son époque, c'est-à-dire qui est profondément religieux, hein, comme ses électeurs le sont. Et il compte beaucoup sur le vote rural, n'est-ce pas? Donc, c'est idéologique, cette résistance au changement, cette résistance aux valeurs modernes, le conservatisme dominant et vraiment cette volonté de protéger les valeurs traditionnelles. Je pense que c'est, chez Duplessis, ça explique les fondements de son anticommunisme, mais qui est aussi stratégique. L'Église catholique, vous en avez parlé à quelques occasions depuis le début de cette émission. On en parle tout de suite, on entend tout de suite ce que ça pouvait donner, à quoi ça pouvait ressembler, cette charge du clergé de l'époque qui était juste à côté de Maurice Duplessis dans cette charge donc contre la pensée communiste. Le matérialisme est le grand mal qui menace à l'heure présente les fondements même de toute civilisation. D'une part, il y a un système de pensée qui veut expliquer le monde, l'homme et la société par la seule évolution de la matière. D'autre part, il est une expression de l'activité humaine qui veut ignorer les exigences pratiques de la rédemption. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. Mais chaque chrétien est également responsable des défaites de l'Église. Le cardinal Paul-Émile Léger, en 1954, quel poids aura donc l'Église catholique dans cette chasse aux communistes chez nous, Hugues Théoret? Un poids énorme. On vient de citer le cardinal Léger, c'est un très, très bon exemple, qui était un très grand allié de Duplessis. On l'a vu dans plusieurs conflits ouvriers. Mais je dirais surtout le Monseigneur Gauthier à Montréal, le cardinal Villeneuve à Québec. Donc, ce sont des alliés très proches de Duplessis dans leur croisade le communisme. Je pense aux journées anticommunistes qui sont organisées notamment à Québec, au Colisée de Québec en 1936, des milliers de personnes qui assistent. Même chose à Montréal, les journées anticommunistes à la Salle du Jésus. Donc, l'Église catholique est vraiment, je dirais, elle a un poids égal à Maurice Duplessis dans ce combat contre le communisme. Avec cette tribune, là, il faut se souvenir de l'époque, tout le monde va à la messe le dimanche, et donc cette, j'ose le mot, propagande, mais en fait, ce discours, disons ça comme ça, anticommuniste qui est diffusé, mais semaine après semaine après semaine. Tout à fait. D'ailleurs, je parlais tantôt de l'œuvre des Tracts, l'École sociale populaire, qui va diffuser, publier même un manuel anti-bolchevique qu'on va publier à grand tirage et on va remettre aux gens. C'est un petit peu comme l'anticommunisme, l'anti-bolchevisme devient un petit peu comme le petit catéchisme. Au début de l'émission, on entendait le journaliste et animateur Pierre Nadeau qui parlait du procès du député communiste Fred Rose. C'est l'affaire Gouzenko, Hugues Théoret, qui va mener au procès de Fred Rose. C'est en 1945 qu'éclate cette affaire-là. C'est une affaire important. importante. Historiquement, c'est important pour nous, mais même dans cette histoire de la guerre froide, l'affaire Gouzenko, c'est important. Parlez-nous de ça, de cette affaire Gouzenko et justement de son importance. Ça a une importance capitale parce que, comme M. Nadeau l'a souligné, c'est pas exagéré, c'est vraiment, on situe l'affaire Gouzenko comme un peu la naissance de la guerre froide, ouais. De ce côté-ci. Première manifestation concrète. D'ailleurs, on le voit dans la correspondance entre Washington et Ottawa. Les Américains, quand Truman il va apprendre l'existence d'un réseau d'espions canadiens, ça va être la panique totale à Washington. On va vouloir en savoir plus. Et il faut comprendre que ça va mettre des pressions sur King. Donc, ce que mis au chiffre qui vient de l'ambassade et qu'on ne croit pas finalement sa version des faits et finalement qui va dévoiler toute l'existence d'un vaste réseau d'espionnage au Canada impliquant, il faut le dire, le député Fred oui. Rose. C'est énorme, mais pas seulement Fred Rose. La menace, c'était surtout le fait qu'il y avait des scientifiques canadiens et des membres aussi, des fonctionnaires canadiens et des fonctionnaires aussi britanniques du Haut-Commissariat ici à Ottawa qui collaboraient avec l'ambassade soviétique pour fournir des informations capitales sur des explosifs, sur l'état de la défense militaire, sur l'évolution de certains dossiers, mais surtout sur, par exemple, la bombe nucléaire, etc., qu'on fournissait aux Soviétiques. Et la commission d'enquête que Locke Taschereau, donc en 1946, qui va dévoiler l'existence de ce réseau d'espionnage-là et qui va culminer avec l'arrestation de plusieurs personnes, dont le plus connu est le député Fred Rose. Oui. Ça, c'est l'âge d'or, en fait, de cette chasse aux sorcières en pleine guerre froide. Un mot en terminant sur le déclin de tout ça, de cette peur du communisme au Québec, mais aussi ailleurs. En tout cas, au Québec, c'est à partir de la mort de Maurice Duplessis, de l'avènement de la Révolution tranquille, que tout ça s'estompe. Ça devient quoi ensuite? Il y en a encore des petits soubresauts là, de peur du communisme, mais qu'est-ce que ça devient après la mort de Duplessis? Au Québec, là, c'est vraiment... Là, la mort de Duplessis en 59 va vraiment mettre un couvercle, là, je dirais, à l'anticommunisme au Québec, parce que la menace communiste n'existe plus. Et on peut expliquer ça par plusieurs phénomènes. Bon, la mort de Duplessis, c'est sûr, l'avènement du gouvernement Lesage, c'est le début de la Révolution tranquille, mais je dirais le fait que les communistes, le Parti communiste aussi est en déclin, bien sûr, avec l'échec du stalinisme, si vous voulez, en Union soviétique, la guerre froide, c'est le démantèlement du Parti communiste canadien, mais aussi le fait de la naissance du mouvement nationaliste québécois qui va un petit peu supplanter, remplacer oui. ces idéaux-là. Et dans le mouvement nationaliste qui pend davantage à gauche qu'à droite, bien entendu, l'anticommunisme n'a pas sa place, n'est pas nécessaire. Et c'est comme ça, finalement, que le Parti communiste québécois canadien va devenir un petit peu, très, très secondaire, oui. pour ne pas dire vraiment, va presque disparaître. Hugues Terret, historien, auteur, entre autres, du livre « La peur rouge, histoire de l'anticommunisme au Québec de 1917 à 1960 ». Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.